Bienvenue à tous dans cette émission Associativement Vôtre. Bienvenue à toutes les personnes qui sont ici, ainsi qu'aux auditrices et aux auditeurs. Cette émission Associativement Vôtre est organisée par l'association Ralentir pour Vivre. Et en fait, le but est de créer des liens humains face à la machination de la société. Nous créons également dans le domaine théâtral afin d'informer et de sensibiliser du besoin de renouveau d'énergie devant l'humanité qui s'épuise. Et ce soir, comme vous l'aurez compris, ce thème est la créativité. Ou bien encore, serait-ce la volonté de faire naître, ou bien même serait-ce le désir de faire naître. Naissance, renouveau pour un nouveau monde, pour un monde plus humaniste, donc plus vivable. Pour la partie musicale, ce soir nous avons trois musiciens. Nous avons Aïssat, Sylvie Leguet et Olivier Dicari. Ensuite, nous allons recevoir trois associations. Tout d'abord, Vivre et Créer à la montagne avec un extrait de leur nouvelle pièce, Le bal de toute vie. Il y aura Libé Djut qui représente Saint-Grenadine et qui nous la fera découvrir, cette fameuse fête de Saint-Grenadine. Ensuite, Cœur de yourte avec Mickey qui nous expliquera la yourte spectacle et son cœur, Cœur de yourte. Viendront des textes de Françoise, un acrostiche, et puis Sylvie, qui elle a préparé aussi, nous a concocté aussi un texte. Il y aura également le journaliste Filmo qui nous fera sa chronique. Et puis ensuite, il y aura effectivement le fameux tour de table. Bien que nous ne soyons pas autour d'une table, il y aura un tour de table. Je vous souhaite à tous une bonne soirée en notre compagnie. Et maintenant, je vais présenter Aïssat qui va démarrer avec une chanson. Dans le thème, j'ai envie d'interpréter blablabla. Bla bla. Sonne mais ne pèse pas lourd à côté des faits d'imposture pour siéger au milieu de la cour. Mais qui sait ce que son cœur nous cache? Qui saurait décoder la surface? Qui sait ce que son cœur nous cache? Oserait-il face à face avec l'un d'entre nous? Avec l'un d'entre nous. Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. L'ambitieux se moque avec allure. Sort sa plus belle voix de velours, consentant au fait d'imposture pour siéger au milieu de la cour. Mais qui sait ce que son cœur nous cache? Qui sait ce que son cœur nous cache? Oserait-il face à face avec l'un d'entre nous? Avec l'un d'entre nous. Bla bla. Passe-passe, les manigances, les connivences auront raison de vous. Laissez la place à ceux qui vous regardent, des admirateurs attentifs attendant leur tour. Ils feront la même chose que vous, feront la même chose que vous, ont la même chose que vous, ont la même chose que vous. Bla bla bla avec moi, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Bravo, merci beaucoup Aïssat, qui a aussi une association qui s'appelle Chansons du Monde. Voilà. Et bien maintenant, nous allons partir dans la créativité pure, dure et simple avec la troupe de Vivre et Créer à la Montagne qui va nous lire le prologue. Il nous manque la plupart des acteurs, hein, ce soir ils ne sont pas là. On a quand même Christophe, mais il n'est pas dans la scène là. Enfin, c'est le prologue. Voilà. Donc, c'est une pièce qui a été donnée il y a 8 jours. Il y a, non, 15 jours maintenant. Comment ? De laquelle je suis tombée dessus. Oui, ah, oui, oui, c'est, voilà. C'est, puis il y en a 50 qui sont tombés par le Covid. Ça a été un cluster. Cluster Youplaboum. Et donc... voilà, donc moi, les acteurs, on est obligé de faire ça en main, le texte en main, hein, et Christine fera le cœur des femmes, toutes les femmes, et texte en main aussi, puisqu'il en manque 5, et moi je ferai un autre homme qui n'est pas là, Torenzo, et puis il y a le seul qui sait son rôle, parce que c'est son rôle, c'est Gondino. Et donc c'est le prologue. Pourquoi le prologue ? Parce qu'il exprime l'esprit de la pièce, l'intention de par l'auteur qui a voulu ça. Voilà. Qui est, oui, Monsieur, ah ouais. Vincent de Qui est, voilà, Vincent de Combier. On en parlera éventuellement après, mais c'est, puisque tu parles de créativité, c'est vraiment le prologue qui contient la quintessence. Alors, vous voilà. Imaginez que vous êtes dans la montagne vosgienne, perdue autour du lac de Blanchemer ou aux anciennes mines du Tillot, puisque c'est une histoire qui se passe dans ce coin-là, où il y a justement des mineurs, des femmes de mineurs, des sorcières à l'époque au XVIIe siècle. Donc ça commence comme ça avec le cœur de femme. La montagne a sa volonté à elle. Nous sommes les âmes, montagne cavive, crible la lune. C'est elle qui givre la vie, active les crêtes, langage de pierre que nous comprenons. Parlons. Nous sommes pierre même, âme brute façonnée du fond des temps. Elle plonge dans le crâne du monde où le cœur s'effond ardent. Nous parlons le chapelet des minéraux. Écoutez la clameur des fontaines de brutes. Nous refaisons la naissance de tout dans notre champ actif. Le champ des torrents vifs est notre eau éternelle. Notre sang est l'eau vive qui active nos membres. Orgue de granit lent qui murmure la longue litanie de la mine sourde. Libérés par le vent, nous épousons l'espace. Et la montagne meut nos cœurs tambourinés. Clameur, clameur, pierre toquée, cri de profond. Entre secrets, les gnomes vont du fond des fonds faire surgir la mine vive dont les éclats au flot s'accrochent. Cuivre soleil, oui. Où l'or des fous et le monde gronde trépide de feu à vivre, toute montée depuis les creuses accélérées, où se révèle là l'abondance d'ondes de la terre. Vive terre, mère rebelle, qui se révèle quand on l'a pris, labeur actif ou marteau pique, entr'ouvre l'âme de la terre. Mineur ami qui persévère au fil d'années, à lueur d'huile dans le silence des abîmes. Les torrents vibrent de métal proche, dont les éclats au flot s'accrochent. Chapelet mine, ainsi soit-elle la virginale litanie, des longs filons que les torrents creusés accrochent. Le monde vacille, ici, décile, tranche les espaces de temps où nous battons l'aveuse d'éternité, la trame des vies. Gais, marions les arbres, gais, faisons le bouquet. Le paradis est là dans les Vosges premières, dont nous sommes les chairs vivantes et sensibles. Nos ventres sont pareils à ces extases d'ombre d'où naît chaque matin la lumière vivace. Glaive du soleil à la main, matin, les troupeaux sonores disent le lait du monde, de la mer, des êtres, la grande nourricière. Petit être des bois, des lutins nous sourient et les oiseaux répètent nos paroles aux arbres. Les fées rient aux ruisseaux des millénaires âpres et les lacs étalés sont miroirs des étoiles et miroirs de nos yeux. Et nous récitons les destins de chaque vie là, sur nos rubans de blancheur. C'est notre chant glaciaire, notre danse livide, limpide, qui pousse au désir des plantes, arbres, sèves, sperme, union et sexe danse. De nos bras avec eux pour enlacer l'espace de l'amour et crier « Nous sommes une !» en un appel sauvage qui remue jusqu'au ciel. Depuis nos ventres crus, rus, cinglants. C'était le prologue. Alors il y avait un décor de montagne que Segondino et Félicie, si non présente, avaient fait aussi pour situer le... C'est Vincent qui a écrit, il faut aller voir cette pièce, elle va se donner encore, et notamment en extérieur, puisque ça se prête bien à la montagne vosgienne, et donc notamment au lac de Blanchemer. Donc si vous voulez, Vincent, il vous donnera les dates. Et donc il y a des scènes comme ça, et en fait, les spectateurs, ils font le tour du lac, et ils sont emportés à chaque fois par des musiciens. Et il y a notamment Christophe Toussaint, enfin des gens en plus bien, donc cette musique, elle se prête bien, la vielle, le violon, la guitare, voilà. Et donc, Vincent est un mineur assez violent. Ah oui, c'est Segondino et un mineur qui fait la fête. Et moi, je suis une sorcière qui va essayer de sauver sa femme parce qu'il est violent avec elle. Voilà. Et puis Christophe est un prêtre inquisiteur du XVIIe siècle. Eh bien, ma fille, nous allons aller loin ensemble. Et qui accuse Gabriel de sorcellerie. Ceci sur fond de, puisqu'on donne quelques extraits, quelques aspects de la pièce, ça se passe au XVIIe siècle, et c'est pourquoi, effectivement, il est question aussi de la guerre de 30 ans, malheureusement, d'une actualité pressante, guerre européenne atroce de l'époque, il y a 400 ans, et finalement... Bon, et puis il y a donc des mineurs, puisque ça, on joue aussi aux mines, le 21 mai, aux mines du Tillot. À Blanchemer, c'est le jour de la Pentecôte, toujours la Pentecôte à cause de l'Esprit qui nous vient là, on espère. Et donc, ça sera joué aux mines du Tillot, mais en partie, en tableau, en extrait. Voilà. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup. Et maintenant, voilà, nous accueillons Sylvie. Qui va nous emporter dans une chanson. C'est une chanson qui s'appelle Résilience. Je trouve que c'est aussi d'actualité, ça, en fait. Si tu savais, toi qui m'as aimé, toi qui m'as appris à ne pas dire, ne pas crier, ne pas pleurer, ne pas déranger. Résilience. Juste tout garder, sentir mon cœur se fissurer. La trahison, le dissoudre, entendre battre comme un fou pour ne pas mourir. Résilience. Sentir mon ventre devenir pierre, se glacer de douleur, chercher en vain à m'enfuir. Ce coffre. fracturé n'a pas mouru. Sentir mon âme ne pas transparence, feindre l'indifférence, ne pas mourir, ne pas mourir. Si tu savais, toi qui m'as aimé, comme je suis fatigué de trop de s'avaler, de tant de tout va bien. Ne pas mourir, ne pas mourir, ne pas mourir. Me déformer, me retrouver, me reconstruire. Avancer, m'écouter, me découvrir, me laisser naître et revivre. Sylvie, très très belle chanson. Et puis maintenant, ça va nous donner l'occasion de passer à un autre sujet, et entre autres à Libette qui va venir nous présenter Zinc Grenadine. Bonsoir Libette, bah, merci d'être parmi nous. Bonsoir. Voilà. Zinc Grenadine, alors moi j'ai découvert ça seulement il y a quelques mois parce que je ne suis pas dans la région depuis très longtemps. Mais Zinc Grenadine, c'est avant tout un très beau chapiteau. Mmh. Mais sous ce chapiteau, c'est une histoire, une longue histoire. Elle vient depuis combien de temps, cette histoire? Elle vit depuis combien de temps? Alors, elle vit depuis 21 ans. Puisque l'événement, qui est un salon du livre jeunesse, est né d'une autre association qui s'appelait Droit au chapitre et qui avait organisé pendant 3 ans... un salon du livre hors les murs, puisque les auteurs adultes venaient dans les troquets, dans les cafés d'Épinal, rencontrer le public dans les cafés. Et c'était une dizaine d'auteurs qui arrivaient par le train de Paris et qui étaient accompagnés dans les cafés à la rencontre des gens. Et c'est Claire Arthur. Alors c'est ça qu'il faut, je pense, l'identité de Zinc Grenadine s'enracine vraiment dans la personnalité de Claire Arthur, qui est un artiste local, qui à l'époque, il était auteur jeunesse, il a commis quelques albums sur le thème d'une certaine sorcière, Germaine Chaudevenne, elle s'appelait. Et donc lui, il parcourait les salons à titre d'auteur, et en fait, il se rendait compte qu'il s'emmerdait sur les salons. Et avec Jeanne Cressange, qui elle faisait les salons adultes, il rêvait d'autre chose. D'où cette idée première d'emmener les auteurs dans les bistrots et le public. Et comme les Spinaliens étaient timides, ça ne marchait pas très fort. Et sur un week-end, ils arrivaient à avoir grosso modo 330 personnes qui venaient dans les bistrots rencontrer des auteurs pour discuter, ce qui est très peu. Et la dernière année... Claire Arthur a eu l'idée, puisque c'est l'univers qu'il connaissait le mieux, d'installer un chapiteau Place des Vosges avec des auteurs jeunesse. Et il y avait 5 auteurs jeunesse, et c'est là que les gens se retrouvaient finalement. Le chapiteau n'a pas des amplis, et ce qui a fait dire à Claire Arthur que l'idée peut-être, était peut-être d'évoluer du coup vers un salon jeunesse, puisque c'est là que les gens avaient l'air d'avoir envie de venir et d'avoir la liberté de venir. Donc un jeunesse, ça veut dire à peu près quel style de je dirais d'âge? Eh bien, ça va du bébé, hein, les livres en carton, des imagiers, jusqu'à, on va dire, l'ado, puisqu'on a on a souvent un ou deux auteurs qui écrivent des romans ados. Donc ça va jusqu'à 15 ans. Mm-hmm. Donc on couvre cette tranche d'âge de 0 à 15 ans. Et puis j'ai lu quelque chose qui était en aparté, je dirais, mais qui fait partie du sujet. En fait, les parents viennent voir les livres d'enfants parce que ça a été leur livre également. Ah, pour certains, oui. Il y avait toute une partie dans l'article qui est paru dans le journal. Mmh. Évidemment, quand on a quelqu'un comme Christian Heinrich qui est venu cette année, qui écrit depuis 40 ans peut-être, et qui dessine les petites poules avec son collègue, un autre Christian. Et effectivement, les parents, ils ont eu les petites poules. Parfois pas eux quand même, mais pour leurs premiers enfants. Et maintenant, ils accompagnent leurs petits-enfants qui viennent aussi pour les petites poules. Et Christian Heinrich, il est dans ça. Alors, pour un peu raconter, notre originalité, c'est toujours lié à Claire Arthur, parce qu'à la fois, il était auteur jeunesse, mais il était déjà metteur en scène, il était aussi peintre. Et du coup, c'est un concept global. Lui, il a tout de suite, comme ses peintures, il a tout de suite eu un univers dans la tête. Avec plein de... Voilà, c'est un univers à part entière. Donc l'idée du chapiteau rond, qui fait comme une bulle, le rond, c'est symbolique, très, symboliquement très accueillant. Et en plus, après, cette idée de ce chapiteau qui serait comme une page de livre qu'on ouvrirait et qui serait un décor. Oui, parce que j'ai vu... des choses assez fantastiques entre un manège à la criée, en quelque sorte. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mmh. Le manège qu'il y avait, il racontait des histoires en même temps. Hein. Oui, oui, il faisait le bonimenteur. Voilà, décalé, complètement décalé. Voilà, complètement décalé. La caravane où on allait se promener à l'intérieur pour vivre une histoire, mais en décor, si j'ai compris. Je n'ai pas vu ce spectacle. Voilà. Avec d'autres qui avaient effectivement, puis il y avait aussi alors, les fanfares, la musique, il y avait aussi tout un environnement, une atmosphère. C'est ça. Ben, c'est une atmosphère un peu bricolo. Je crois que depuis le début, un des messages qu'on a envie de transmettre aux enfants, c'est regarder, on peut bricoler avec pas grand-chose et créer un univers un peu fantasmé, un univers de rêve. Mais avec pas grand-chose, parce que c'est aussi notre philosophie dans l'association. On a un atelier de création qui est mis à dispo par la ville et dans lequel on bricole tout au long de l'année pour renouveler nos décors, notre signalétique. Et on essaye au maximum de récupérer des cartons, des matériaux. On a beaucoup utilisé les choses en jersey là, de Troisième Rive, des franges de textile, etc. Et on a envie de leur dire, c'est à la portée de tout le monde. Rêver et puis concrétiser son rêve, c'est à la portée de tout le monde. À condition d'arriver à faire fonctionner un collectif. Parce qu'on est à peu près 25 à fonctionner tout au long de l'année pour monter l'édition, avec des compétences très différentes. Il y a des gens parmi nous qui sont bibliothécaires, donc c'est des personnalités assez structurées. Qui savent classer, qui savent organiser, qui savent anticiper, qui savent... Et il y a pas mal d'enseignants qui sont plus dans la transmission et qui savent comment les livres portent les enfants. Hein. Et après, il y a des gens qui n'ont rien à voir avec cet univers-là. On a un comédien, il est là parce que ça lui permet, lui, de s'investir dans la programmation. Il connaît cet univers-là, il connaît les spectacles... Et il connaît très bien l'ambiance d'un grenadine et il sait aller piocher ce qui convient à notre fête. Et il y a quelqu'un d'entre nous qui a dit, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit un jour à une journaliste, moi en fait, le livre m'a tellement donné quand j'étais petit que là, je suis devenu adulte, je rends au livre ce qu'il m'a donné. Je trouvais ça très beau. Quand je dis une fête d'antan, dans le sens, tout le monde avait l'air de se connaître ou... Enfin, se saluer, parler. Enfin, on avait l'impression que c'était qu'on avait réuni un village. Mmh. En quelque sorte, ça faisait l'effet d'un village, en fait. Voilà, c'est plutôt comme ça. Mmh. Que je dirais. Mais Épinal est un village, déjà, et d'une. Et de deux, on a 21 ans d'âge. Et les gens, c'est un rendez-vous annuel, Zingrenadine. Et comme c'est quand même un thème consensuel, on n'est pas clivant du tout, les gens sont contents de venir. Ils viennent déjà... le cœur joyeux. Et puis après, ils se retrouvent les uns les autres avec les gamins, les petits-enfants. Et forcément, je crois que ça fait beaucoup de bien à tout le monde. On le sent par les retours qu'on a via les réseaux sociaux. Puis juste les gens, moi, je me mets beaucoup à disposition quand je suis sur le week-end du salon pour accueillir et être là à entendre ce qui se dit. Et les gens, ils expriment juste le plaisir d'être là. Et c'est très bon enfant. Oui, voilà, bienveillant, moi, je dirais. C'est très bienveillant, voilà. C'est un côté fluide, bienveillant, et en même temps attractif par plein de petites choses qui se passent tout autour, comme ça. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et puis, il faisait grand beau. Ah bah oui, quelle chance. Oui. Après la tempête. Oui, parce que le matin, il fallait venir avec les boîtes plastiques. Voilà. Donc, vous vous retrouvez chaque année. On travaille tout au long de l'année. Et vous travaillez tout au long de l'année. Une grande équipe. Oui, on est 25 permanents. Et pendant le festival, il y a au moins, en tout, on doit être plus d'une centaine à travailler pendant la semaine du festival, le temps de l'installation. Parce qu'on charrie un nombre incalculable de matières, de bazar, de décors, de signalétiques. Il faut voir ce qu'on charrie. On a l'impression d'être une fourmilière. C'est complètement délirant. En soi, c'est totalement délirant. Sur une année comme cette année où on a eu la tempête, où il a fallu redéménager des trucs, parce qu'il a fallu délocaliser l'inauguration, la soirée pour les bénévoles, tout ça, on se demande comment ça peut fonctionner, tellement c'est délirant en termes de quantité de matière brassée, déplacée, transportée, l'intendance pour nourrir, parce qu'on nourrit. Ça, c'est l'apport de Fred. Petit à petit, on mûrit dans une association. Au début, on a un point de vue, et puis les uns et les autres viennent alimenter le fleuve principal. Et là, l'apport de Fred, ça a été de dire qu'il fallait être bienveillant avec les bénévoles. Parce que moi, ce n'était pas trop ma philosophie. Hein. Les bénévoles, ça venait pour donner un coup de main, point barre. Ah non, les bénévoles, on leur fait un retour de leur investissement. Il y a ça. Et puis, accueillir aussi les artistes qui viennent s'exprimer sur Zinc Grenadine et qui le font souvent à un tarif sympathique, on va dire. Parce que comme on est une asso, on n'est pas, on roule pas sur l'or. Donc, on tire un peu les tarifs. Mais moyennant quoi, on accueille bien les artistes, on les nourrit et on les leur fait vivre un moment convivial dont ils se souviennent autant que le public. En tout cas, bravo, c'était vraiment un très très très beau moment. Hein. Merci. Très très beau moment. Merci beaucoup. Ah, la date à laquelle on fait signe, la date à laquelle ça se passe chaque année. Alors, c'est toujours début avril ou fin mars. Je pense que l'année prochaine, je ne sais pas la date exacte, mais je crois que c'est de nouveau début avril. On essaye de se caler pour ne pas être pendant les vacances. Pour avoir des auteurs, il ne faut pas être pendant les vacances parisiennes. Enfin, c'est tout un gymkhana. Il ne faut pas être en même temps que les Imaginales à Épinal. À Épinal, il y a tout un tas de dates d'événements festifs entre lesquels il faut arriver à se caler pour ne pas faire d'ombre à personne et que chacun ait sa place. Donc, c'est souvent printemps, début avril, on va dire. Et on ne connaît pas le lieu de l'année prochaine, puisque les travaux au port ont sensiblement réduit l'espace et qu'on ne sait pas si on peut encore y tenir. Ce serait le souhait de la municipalité, mais le projet, c'est d'aller mesurer très concrètement pour voir si le grand chapiteau et tous les petits chapiteaux annexes pourront y tenir. Sinon, il faudra trouver un autre lieu, sachant que le parc du château est un endroit écologiquement sensible. Le terrain est hyper meuble et prend beaucoup l'eau. Et c'est compliqué quand il y a des intempéries. Merci beaucoup, Libette. De rien, de rien. Merci beaucoup. Et bien, maintenant, nous allons écouter le troubadour. Olivier Dicarli, qui va nous interpréter une chanson. Il y en a qui disent que l'aventure, c'est pas sérieux et c'est pas sûr, que quand on a passé 20 ans, il faut penser à ses vieux jours. Mais moi je dis que l'aventure, c'est beaucoup mieux, même si c'est dur, qu'on ne peut pas perdre son temps, que seul aimer vaut un détour. Annabelle, ma belle, je t'aime quand même, malgré les tours que tu me joues. Annabelle, ma belle, je t'aime et même si tu le veux, je t'emmène. Il y en a qui vivent d'habitude, de business et de certitude, pour qui la vie c'est ça, c'est sûr, c'est moi d'abord, toi s'il en reste. Je trouve quant à moi bien rude cette lamentable attitude qui dresse devant l'autre un mur et qui le fuit comme la peste. Annabelle, ma belle, je t'aime quand même, plus fort, malgré les tours que tu me joues. Annabelle, ma belle, je t'aime et même si tu le veux, je t'emmène. Sur le chemin qui mène à toi, je vais confiant suivant ta loi. Et si c'est parfois difficile, lorsque soudain tombe la nuit, je garde malgré tout la foi, car je sais que l'amour est roi. Et passer pour un imbécile, pour moi, vaut bien mieux que l'ennui. Annabelle, ma belle, je t'aime quand même, je t'aime et même si tu le veux, je t'emmène. La vie est belle quand on aime, on a le bonheur que l'on s'aime. Et dans ce grand jardin fleuri, j'attends au détour du chemin que ce beau pays de bohème déroule loin des théorèmes, de paix, de musique nourrie, de rencontrer enfin ta main. Annabelle, ma belle, je t'aime quand même, malgré les tours que tu me joues. Annabelle, ma belle, je t'aime et même t'emmène. je t'emmène. Alors maintenant, nous allons parler de quelque chose qui se situe à Les Boivres et qui s'appelle Cœur de Yourte. Bonjour Mickey, merci beaucoup. Bonjour. De représenter Cœur de Yourte. Oui, Cœur de Yourte, c'est un écrin au cœur des Boivres, près de l'étang allemand. C'est une yourte qui accueille plein de monde, des artistes. Mais je voulais te demander déjà, oui, au départ, donc on va s'imaginer se mettre un petit peu dans l'ambiance. Une yourte à l'orée d'un bois. Oui. C'est ça. C'est ça. Voilà. Entourée d'un champ de verdure. Où il y a un petit chemin qui nous y amène. Et puis, dans cette yourte, il se passe des choses assez, allez, on va dire, créatives, dans tous les sens du terme. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'y passe, je dirais, en tout cas, ce que tu peux parler de ce qui s'y est passé ou de ce qui va se passer? Je ne sais pas comment tu veux nous expliquer ça. C'est le des spectacles, donc le fruit de création, mais des ateliers aussi de artistiques, d'art thérapie aussi, avec Claire Munier, Mélanie Penel, qui invite des personnes. Par exemple, le prochain atelier, c'est sur le chemin. Sur le carnet de voyage qui définit un chemin, chemin de sa propre vie, mais aussi qui va s'inspirer de la nature environnante pour créer, voilà, ce carnet de cheminement. Oui. Voilà. Et puis, bon, moi, j'étais allée une fois à Cœur de Yourte et j'y avais vu quelqu'un. Je vais la nommer, mais quelqu'un qui faisait un théâtre de papier. Ah oui. Voilà. Et c'était, l'environnement était féerique pour le sujet. Mmh. Là, je parle de Mireille Géant. Voilà. Mmh. Oui, voilà. C'était le Ver de terre, création de Mireille Géant, qui veut réhabiliter. Pour les hommes, le ver de terre, son importance et son. Voilà, qui perdure. Le ver de terre est un être qui existe depuis bien plus longtemps que l'humain et qui est vital pour la planète. Là, c'était dans un environnement effectivement très nature. Et c'était quelque chose de très, on va dire, coloré en même temps. Et il se passe, alors tu dis, des concerts, des ateliers. Et quelles sortes encore d'autres ateliers il se passe? Sonore, des. Oui, il y a beaucoup de voyages sonores, voilà. Ouais. Des ateliers aussi liés, y a Johnny Kada qui propose parfois des ateliers pour les enfants en général. Il a donc créé une association qui s'appelle Éducateur et qui s'ancre à la yourte, voilà, la yourte événementielle. Donc c'est des mini-stages, voilà. D'ailleurs, on te remercie beaucoup parce que là, on te demande d'expliquer, mais un petit peu, je dirais, de manière surprenante, puisque Johnny, justement, a eu un empêchement et de dernière minute, il n'a pas pu être avec nous. Donc, Mickey, on te remercie beaucoup parce que c'est pas facile, au pied levé comme ça, d'expliquer quelque chose. Vous êtes, il y a combien de personnes qui animent Cœur de Yurt, au point de vue animateur, à peu près? Il y a, je dirais, 3 personnes. Et puis, ben voilà, il y a des intervenants ponctuels. Il y a aussi des temps privés. On peut louer, enfin pas louer, mais demander que la yourte soit mise à disposition, voilà, pour des après-midi privés. Et la yourte peut aussi être louée, voilà, si on veut passer un week-end dans la nature, c'est possible. Et c'est de plus en plus, ça se fait, voilà. En tous les cas, c'est une belle aventure, effectivement, à l'orée de la forêt. Une yourte qui est, on va dire, qui représente un lien entre la vie culturelle et la vie de la nature. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait le résumer. Et puis voilà, bah, je te remercie beaucoup, Mickey. Et puis, nous pouvons l'applaudir parce que... Je te laisse présenter. Qu'est-ce que tu vas nous chanter de bon? C'est une vieille nouvelle chanson. Une vieille nouvelle chanson. En fait, tu m'as remis à la chanson. Ah oui. Tu m'as remis à mes chansons. Ah oui. Donc je suis allée rechercher de vieilles choses que j'ai revues. Ah bah, je suis ravie. Donc on va. Voilà, elle s'appelle Guenon Primitive. Oh, mais c'est pas bien. Voilà. Tu m'as dit de dire qu'à des moments de ma vie, c'était pas toujours très magique. Alors... Mais je trouve que c'est bien quand on peut voir les choses avec le recul. Ben voilà, tu vois. Non primitif. La guenon primitive de la forêt d'en face. Qui entrouve tes cuisses et nous jette en pleine gueule. L'endroit qui te fait jouir et fait gagner ta croûte, qui fait rougir les femmes et fait languir les hommes. Tu leur prends leur mari, tu leur prends leur argent, tu leur supprimes même tout leur plaisir d'avant, lui qui n'existait plus depuis le dernier enfant. Mais qui part au principe l'homme manque en ce moment. Si pour elle ta vie c'est tout pour ton mari, moi je dis autrement, je dis tout pour la vie. Moi je dis que j'existe, que j'ai le droit de vivre, que j'ai le droit d'aimer, de jouir et de mourir. Pourquoi ne pas aimer un inconnu qui passe? Pourquoi résister quand l'amour se lasse? Quand notre corps repu n'a plus envie de lui, pourquoi ne pas aller chercher un autre lit? Si j'avais à choisir pour mes années à venir, entre être une commère et vendre du plaisir, mon choix est déjà fait, c'est pour toi que je penche. Je préfère la jouissance à la connerie humaine. Toi, guenon primitif de la forêt d'en face, toi, guenon qui n'est pas si primitive que ça. Tu sais, peut-être un jour, je serai comme toi, pour ces sorcières des rues qu'elles on ne brûle pas. Toi, guenon primitif de la forêt d'en face, qui entr'ouvre tes cuisses et nous jette en pleine gueule. tout cas toujours la même magnifique voix. Merci, merci. On est bien d'accord. Maintenant, nous allons demander à notre chère Françoise de la Forêt Noire de venir. Parce qu'en fait, là, on fait un éventail de créativité. C'est tous des gens qui ont créé, qui ont fait naître, qui ont désiré, qui ont eu la volonté de le faire. Et donc là, on va continuer avec des textes. Françoise a une spécialité. Elle fait des acrostiches. Oui. Et là, je dois m'excuser, parce que Vincent, normalement, son association, ça s'appelle Vivre et créer à la montagne. Et moi, j'ai intervenu. j'ai commencé avec créer. Et bon, finalement, créer, c'est le thème de la soirée. Mais après, j'étais quand même un peu vexée. Hein. Si j'avais eu mon ordinateur, j'aurais commencé par vivre et pas par créer. Voilà, bon. Donc l'acrostiche, elle prend une phrase qu'elle met de manière verticale et avec chaque première lettre, elle fait un texte. Voilà. Donc effectivement, alors, créer et vivre. Vincent, tu nous pardonnes. Créer et vivre à la montagne. Vivons. Créons et vivons. Créer et vivre à la montagne. Créer consiste à faire de rien quelque chose, à tirer du néant, à réaliser par le seul acte de la volonté, tout en rêvant d'inventer. Échapper à la frustrante réalité sans s'en embarrasser. Écrire des acrostiches pour exposer ses idées. Radicalement résister et expérimenter pour mieux respirer. Envie éperdue de s'envoler vers d'autres cieux pour mieux se libérer. Telle une plume légère, se laissant porter doucement par un vent enivrant. Véritable valse à mille temps pour vibrer dans un ciel envoûtant. Imaginer un nouveau monde plein de magnificence. Vouer son temps à l'art et à la création spontanée et réagir pour mieux agir, car les artistes sont très actifs. Et investir toute son énergie et sa force dans la créativité. Aller jusqu'au bout de soi-même pour créer des nouveautés. La montagne est belle et très inspirante pour accéder aux sommets les plus hauts de toute forme d'art. Magnifique marche dans la montagne, aux aiguilles pointues, ou, comme dans les Hautes-Vosges, au ballon taureau. Nature admirable qu'il faut apprécier, tant qu'il en a encore temps, car le temps passe et si vite. À nous d'en profiter sans en craindre la nature éphémère, grandiose, un bouquet de tulipes fanées dans un vase sans eau, nous montre tous les charmes des fleurs même éphémère. Essayons de créer des tas de choses, même de courte durée. Merci beaucoup, Françoise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Françoise. Ben là, effectivement, on va essayer de créer encore plus. Et là, on va demander à notre troubadour Olivier Dicari de nous refaire une petite création. On va même pas dire chanson, on va dire création, puisque c'est tous des auteurs, compositeurs qui créent. Donc une autre petite création qui s'appelle... Prenez garde. Prenez garde, bonnes gens, aux trompettes du jugement. Car si loin n'est pas le temps où sonneront dans le vent. Sonnez trompettes d'argent dans les esprits indigents. Sonnez et sonnez encore, sonnez jusque à la mort. Mais Dieu sonnera plus fort, car sa trompette est en or. Prenez garde, bonnes gens, aux trompettes du jugement. Entendez les bonnes gens sonner déjà dans le vent. Bientôt sonneront plus fort, car déjà s'en vient la mort. Prenez garde, bonnes gens, aux trompettes du jugement, car si loin n'est pas le temps où sonneront dans le vent. Cachez trompettes d'argent, Dieu vous sera indulgent, car sa trompette est en or et résonnera encore. Quand les vôtres délaissés tintamarres auront cessé, prenez garde, bonnes gens, aux trompettes du jugement, car si loin n'est pas le temps où sonneront dans le vent. Prenez garde, bonnes gens, aux trompettes du jugement. Écoutez les bonnes gens, sonnez déjà dans le vent. Bientôt sonneront plus fort pour un nouvel âge d'or. Bientôt sonneront plus fort pour un nouvel âge d'or. Bravo. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Troubadour à 16h. J'allais dire à 16 jours. Voilà. Alors maintenant, on va rester dans la création pure, simple et complète avec Sylvie qu'on va accueillir, qui nous a créé un petit texte sur la créativité. Sylvie, La créativité, pour moi, c'est la spontanéité, oui. Donc c'est un petit texte spontané. Voilà. C'est bien. Alors... La créativité, pouvoir de création, nous dit le petit Robert de Poche. On peut accoucher d'une œuvre qu'on se laisse ressentir. Mais créativité me fait surtout penser à originalité. Ou alors on peut aussi rimer en « et ». Nouveauté, beauté, inné, instantané, spontané. Émanciper, enjoliver, amadouer, palper, modeler, découper, colorer, amuser, envoûter. Tous les parfums sont possibles, toutes les couleurs permises, toutes les matières à portée de main. Toutes les idées bienvenues, toutes les époques, tous les lieux, tous les styles. Original, en acrostiche, avec un mot. Œuvre réalisée intentionnellement, gorgée d'innovation, née de l'art libéré. Créativité, en acrostiche, en un seul mot. Concrétiser, réaliser, émerger, aspirer, travailler, irriguer, unir, improviser, tâtonner, évader. Merci beaucoup Sylvie, bravo! Très très joli texte qui donne des milliers de facettes. Je me serais crue dans un kaléidoscope de la créativité. Ça faisait vraiment beaucoup de facettes comme ça. Et puis, moi, je tiens juste à rajouter quelque chose. On dit que les enfants s'amusent et que les adultes y créent. je tiens juste à dire ça. Parce que je pense que c'est une manière d'être vivant pleinement, de créer. En fait, c'est quelque chose de très important. On va demander à notre créatrice Sylvie de nous refaire une petite chanson. Allez, allez, allez, allez, soyons fous. C'est une petite chanson d'amour, en fait, quand même. Qui s'appelle Dor. La vie te mènera où tu voudras. Dors, mon bébé, dors. Sur cette route qui mène à la mort, il te faudra pour ça te battre. Il te faudra pour ça rire et pleurer. Il te faudra pour ça aimer. Il te faudra. Maintenant, on va demander à notre chroniqueur. Je donne ma vie, mon amour, à moi. Je te donne ma vie, même installée ici. Ah non, faut pas là. Voilà. Ah non, c'est là. Oui, ah, excusez-moi. Madame, je n'ai besoin de rien. Même debout, ça ira. Non, assis, c'est bien. Ok. Bonsoir à vous. Toujours un plaisir de vous avoir à la maison. Nous avons rencontré Olivier, Sylvie, Kik, Kat, Fred, Segundino et Guillaume, qui ne nous ont pas dit la même chose. Alors, Swad a résumé, c'est éclore la créativité. Plus personne n'y pensait, l'œuf est avec vous. Vous ne le saviez plus alors. Éclore, la suite c'est, Guillaume, cheval, je suis moi, inextricable, câble, chaleur, jamais plus que jamais incommensurable, immortel pour toujours. J'ai oublié de te dire, méditer pour surprendre. Et Aïssat, rendez-vous avec la chance dont le son opéra nous donne... On a la même chance que vous. La main gauche ou la main droite, je ne sais très bien. Un peu les deux. Et la suite est à nous. Ce que la pièce n'est pas de boulevard chez Vincent. le reflet d'une rivière aux vagues d'histoire, clameur d'essence des sons, au sens de la terre, mine de crayon. Date d'ailleurs de la mine du Tilleul, Vincent, nous rappelons la date. Au mois de mai, la nuit de la mine. Le 21 mai, voilà, le 21 mai, n'oubliez pas, parmi les gens qui ont un bon agenda sur eux, là, je vous remercie, le 21 mai, donc, nuit de la mine, avec paroles et textes de Vincent dans le sketch extérieur, et dans le sketch intérieur, je vais pouvoir vous le faire tout à l'heure, alors il s'agit d'un personnage bien commun que nous avons tous. C'est un lutin, hein, c'est un lutin. Vous connaissez bien des lutins dans la vie. Deux, trois lutins. Vous connaissez des lutins, ah, on en reparlera. On en a tous les matins au petit déjeuner. Hein. Alors voyons ce que nous chantent nos protecteurs. Eh bien Sylvie, c'est la paix, l'amour, apprendre. Mais alors on se demande si c'est la paix qu'elle est en train de prendre ou si c'est l'amour qu'elle veut. Alors on ne sait pas trop bien, donc on va dire la paix, moult, prendre et amour. Voilà, comme ça va passer, je te remercie. Libette 5, Grenadine. Alors, on était en train de parler d'une chose simple, nous. C'est de manger du cuivre, de l'or et de l'argent en ce moment pour médecine. Aujourd'hui, ça peut paraître intéressant. Donc, je ne connaissais pas le zinc grenadine. Je vous remercie, même en bonne pharmacie, je n'en ai pas encore vu. Si vous en avez vraiment, il faut revendiquer, hein. C'est ça qu'il nous faut, hein, du zinc. Hein. C'est une bonne médecine. Hein, c'est une bonne médecine. Il me semblait bien à qui j'en ai parlé. Au moins 22 personnes dans l'assemblée. Hein. Le chapiteau, alors nous n'y reviendrons pas, l'image d'un chapiteau, c'est toujours pour nous le rêve de l'enfant, pénétrer chez les clowns, pénétrer chez les joyeux. Plus long que 21 ans, hein, le chapiteau est plus long que 21 ans, comprenez ce que vous voulez. Né du droit au chapitre avec Claire Arthur, alors selon l'histoire, il s'agit de salon de jeunesse, du bébé à plus de blé, on va dire. Du bébé à plus de blé, hein. On va dire du bébé, ça commence les livres en carton. N'oubliez pas les futurs parents, là, dans le secteur, là. Il y a des futurs parents, là. Le livre en carton, n'oubliez pas. 4 pages pour l'auteur, on n'est pas fatigué. Nous, on aime bien. Alors, entre bulles et décors, accord de ville, prendre sa place dans le trafic associatif. On va dire ça comme ça. Hein, parce que c'est pas facile, le trafic associatif. Hein. J'en ai entendu parler, hein. Et Olivier qui arrive, qui débarque à la guitare, alors maître de lui-même, n'est-ce pas ? Ivresse de l'instant, le retour de la mélodie, le souffle respire. Eh bien, la guitare s'en rappelle. La guitare s'en rappelle. Si vous observez la guitare, elle se rappelle de la douceur, du tendre, de l'atmosphère qui nous a jailli... quelques secondes, là, après le bébé, d'ailleurs, c'est louche. C'est louche. Je ne vois que ça. Soudain, cœur de yourte, Mickey dans l'habitacle. Dans l'habitacle, Mickey passait par là, de la yourte à l'obstacle. Il n'y a qu'un pas, elle le contourna facilement, fit venir chez elle des auteurs et des artistes à plus jamais, qu'il en paraîtra encore demain. Nous te souhaitons bonne chance. Enfin, surtout moi, quoi, parce qu'il n'y a pas grand monde avec moi, mais voilà, on te souhaite bonne chance. On lui souhaite bonne chance ? Bonne chance ! Voilà, ça marche. Et l'orgasme fou, c'est quand on parle du genou primitif. S'agit-il d'un genou ou d'une guenon ? C'est guenon, hein, c'est bien ça que j'ai compris. Tu parlais même pas du genou. Tu parles du primitif. Oh, ça c'était chouette, ça. Alors, il n'y avait pas d'obstacle, il n'y avait pas de peur, il y avait prendre des gens. Alors ça, ce que j'aime bien avec Sylvie, c'est qu'elle veut toujours prendre des gens. Déjà, tout à l'heure, elle voulait prendre autre chose, mais l'amour, la paix. Elle voulait prendre l'amour, la paix, maintenant, elle veut prendre des gens. Si c'en a que ça intéresse. Elle prend la vie par, pour odorat. Elle nous dit dans la chanson, elle parle d'odorat dans la chanson. Prends la vie pour odorat. C'est-à-dire qu'à la moindre senteur fluviale, vous êtes déjà en train de décoller en bateau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous sentez une odeur qui vous soutient soudain, vous êtes en train de rêver, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Et gardez cette odeur qui ira loin dans votre histoire, car comme le dit l'obstacle, Françoise de la Forêt en acrostiche créateur, bonjour le bonheur à toute heure. Merci à toi. Et Olivier, nous sommes forts, il prévaut à l'Assemblée, ce garçon. Participatif, indulgent, humble créateur. Et Sylvie, alors j'ai mis Sylvie N. Sylvie. Ça m'a paru intéressant de mettre Sylvie N. Sylvie. On dirait qu'il y a une associativité entre les deux très étrange. Elle passe d'une scène à l'autre. En un texte poétique et créatif, s'il en est, mais Sylvie qui passe derrière, on ne s'est aperçu de rien, mais laquelle est laquelle ? Est-ce que c'est la même qui est là ? On ne se rend même plus compte. Et l'amour est roi et la chambre son ressort. Je vous remercie d'être venu dans le salon pour commencer. Merci beaucoup. Merci Filmot, merci. Nous avons un journaliste hors pair, le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup pour cette chronique parce qu'elle est toujours décoiffante. Hein. Vous avez remarqué, hein. Oui, ben voilà. Alors là, on va avoir une dernière petite chanson. Aïssat, dis-moi. Oui. Yeah, voilà, c'est ça. La vie. Oui, tout à fait. La naissance. Oui. La paix. La paix. La paix. L'appel des Vosges, bien sûr, c'est l'appel des Vosges aussi qui le dit. Oui. L'appel des Vosges, 4860. Voilà. Jam tan jambalo. Merci. Merci, belle princesse. Maintenant, on va faire l'incontournable tour de table. Alors, voilà. Alors, on va laisser parler Christine en premier. Oui. Bah, la créativité, c'est là, ici, maintenant. Moi, je la connais par le théâtre. Et puis aussi, j'invente de la cuisine tout le temps. Et ça fait aussi partie de la créativité et de la culture, d'ailleurs, comme je disais l'autre fois. Voilà, c'est pas que des chansons. Et c'est aussi bien manger. On va bien manger, là. Christina. Je t'écoute. Mais créativité, inspiration, partage, amusement, bonheur, joie. Voilà. Merci Christina. Une vraie salade de fruits, comme celle qui nous attend. Oui, on dit souvent, moi j'entends beaucoup de gens qui me disent... J'envie votre créativité. Moi, j'en ai pas. Et je suis persuadée du contraire. Je suis persuadée qu'on a tous une dose de créativité, mais qu'on ne nous a pas forcément appris à la développer. Et que si on laisse s'exprimer notre créativité, on la découvrira. Merci, Libette. Mickey. Moi, j'ai fait une école d'art. Et ce que j'ai préféré dans ma formation, c'était les rendus. C'est-à-dire que avec les mêmes consignes, tout l'éventail des œuvres qui pouvaient être mises à voir par tous les étudiants, et c'était extraordinaire. La diversité de la créativité, voilà, le feu d'artifice qui pouvait émaner de ces contraintes. L'art naît de contraintes et meurt de liberté. Et c'était beau à voir, quoi, toutes ces différences, toutes ces personnes qui s'expriment, voilà. Vincent. Moi, je dirais quelques mots simplement qui me viennent. La langue de travers, qui est un atelier mené par des amis et qui fait surgir l'essentiel de ce qui est inattendu, de ce qui n'est pas prévu, de ce qui est étonnant, bouleversant. La chèvre d'or, qui est le mythe en Provence et ailleurs d'ailleurs, d'un imaginaire fantastique. Et ce n'est pas un hasard pour moi, par exemple, que Van Gogh a été, à mon avis, saisi par la chèvre d'or. Il est devenu fada, c'est-à-dire possédé par la fée, la fade, en Provence. Et puis encore, El Duende, que les Espagnols disent que le joueur de flamenco, lorsqu'il est saisi par la musique, et transporté dans un état qui est au-delà de toute norme. Voilà, El Duende, et c'est Federico Garcia Lorca qui a fait tout un opuscule sur El Duende. Et puis je dirais que pour moi, d'une façon générale, la créativité rejoint une certaine mystique, peut-être parfois, Olivier l'a esquissé, l'âge d'or, et ça me fait penser, j'aurais pu en parler aussi, de cette divinité des arts et de la lumière qui est Apollon, et qu'on retrouve en fait sous la forme du ballon, le ballon d'Alsace, où on fait des feux d'ailleurs, avec recrée, vivre et créer à la montagne. Eh bien, c'est Apollon, c'est le dieu des arts et de la créativité. Voilà, quelques images qui me viennent, sur lesquels, bien sûr, on pourrait aller à l'infini. Merci Vincent. Aïssat, dis-nous ce que tu penses de la créativité. Qu'est-ce que ça te dit à toi ? Pour moi, la créativité, c'est un bienfait. C'est un bienfait qu'on nous a donné pour justement se rendre compte un petit peu de, des choses et de ce qu'on vit, etc. Et donc, pour tout ça, je dis merci. Et aussi, je suis soumise au vivant. Voilà quoi. Donc, il faut garder la pêche, quoi qu'il arrive, parce que tant que le soleil, tant qu'il y a du soleil, hein, tant que le jour vient, on peut rire. Oui. Voilà. Voilà. Bah, merci beaucoup pour tes chansons, Olivier. Moi, je voudrais juste évoquer la créativité première, celle qui nous précède, celle qui nous questionnera à jamais, le mystère des mystères, du néant sortir le tout. Oui. Moi, je comprends très bien ce que tu dis. Parce que quelque part, la créativité, c'est vraiment, oui, ben, c'est comme un enfant qui naît du néant, enfin, enfin, ça vient comme ça, c'est naître. C'est bien quelque chose de l'ordre de la naissance. Sylvie. Sylvie Le Guay. Parce que... Sylvie Brigitte, tu peux dire aussi. Sylvie Brigitte, d'accord. C'est Debout Vacotte. Debout Vacotte. Debout Vacotte. Je pense que, en fait, pour moi, créer, c'est vivre, et vivre, simplement, c'est créer. Et si on arrive à résumer les choses comme ça, tout le monde crée et tout le monde vit, sans aller plus loin. Ouais. Non, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Créer n'est pas automatiquement faire une œuvre d'art. Créer, ça peut être vivre. Simplement le petit déjeuner. Tartiner sa tartine d'une autre manière. Ouais, je rejoins Fred, complètement Sylvie. Voilà. Fred, vas-y. Pas trop près du... Ah oui, voilà. Là, ça va, ouais, je regarde l'ordinateur. Je rejoins complètement Sylvie, quoi, sur le fait que vivre, en fait, c'est s'exprimer, tout simplement, créer. Parce que le seul moyen qu'on ait pour passer, ça commence déjà dans la pensée, mais la pensée, comment on peut la transmettre à l'autre? Ben, le seul moyen de la transmettre à l'autre, c'est par le biais de le matérialiser, et cette matérialisation permet à l'autre, après, de se l'approprier dans sa pensée. Parce que même la voix, la parole, elle utilise l'air, c'est matériel, c'est mécanique pour arriver jusqu'aux oreilles. Donc on passe de l'impalpable au palpable pour de nouveau retourner à l'impalpable. C'est vivre. Ouais. Entièrement d'accord. Merci Fred. Ben, on va finir le tour peut-être là. Voilà Françoise. Voilà Françoise. Ah, moi, la créativité, moi, ça m'aide à vivre. Et quand j'en ai marre de l'écriture, je fais des sculptures. Quand j'en ai marre des sculptures, je fais des gravures. Et puis voilà, ça m'aide à vivre et ça me rend heureuse. Mais c'est pas pour rien qu'on dit l'art-thérapie. C'est quand même la créativité. Non, on va tourner peut-être. Oui, ben, si tu veux, c'est Gundino, vas-y. Oui, allez-y, c'est égal. Pour moi, la créativité, c'est le digital d'une personne. C'est le digital et c'est un moment qu'on vit intensément. On pourrait se poser la question, est-ce que c'est la créativité qui nous fait vivre intensément ou est-ce que c'est la vie intense que l'on mène qui nous donne de la créativité? Voilà. Intéressant. Oui, parce qu'on a affaire, toi, à des artistes quand même en plus. Là. C'est des gens qui le vivent dans votre quotidien. Encore en plus du quotidien où on crée, vous avez une vie de création. Toi, c'est Gundino. Tu peins, par exemple. Je peins, oui. En ce moment, j'ai pas d'idée. Et puis Fred, il est sculpteur quand même. Donc, c'est, ouais. Vous l'avez quand même en plus, je dirais, puissance. Normal. Oui, on peut créer au quotidien. Mais quand on a une activité artistique, que ce soit la sculpture, la peinture, la musique ou autre, il y a, je dirais, ça décuple. Par rapport, pour faire un point, justement, je fais une petite distinction entre le moment de la création et la naissance. Parce que la naissance, la création, c'est dès qu'on pense, ça germe. Et ensuite, dès qu'on, qu'on va s'exprimer en dansant ou en chantant ou en peignant ou quoi que ce soit, ça reste intime. Et la naissance, c'est quand le bébé il sort du ventre, donc il prend connaissance, que le monde extérieur prend connaissance de lui. Donc il y a une naissance à partir du moment où il y a d'autres personnes qui vivent le moment-là, quoi. Parce qu'on peut créer dans son coin et il n'y a toujours, il n'y a pas de naissance. C'est, je veux dire, où laisser sa création dans la tête et il n'y a pas la naissance. La naissance n'arrive que quand l'autre en prend conscience, quoi. Rose, maintenant, voilà. Sylvie Marie. Oui, Sylvie Marie. Sylvie Brigitte, Sylvie Marie. Sylvie Marie. La créativité, il n'y a pas si longtemps que ça, j'en parlais avec quelqu'un et c'est une énergie de vie, en fait, qui se manifeste par quelle que soit la forme d'expression et qui permet d'être révélée et, je pense, partagée, du coup. Et moi, j'ai remarqué que c'était beaucoup dans la spontanéité, comme je l'ai dit dans le texte. Et j'ai une petite anecdote, du coup. Il y a de nombreuses années, j'avais un garage et régulièrement, je rentrais ma voiture, des affaires, et je râlais systématiquement parce que j'avais un tas de petits bouts de bois qui tombaient dans mes pieds, une petite planche. Puis un soir, je les ai toutes posées par terre, j'ai mis un tasseau et j'ai fait une tête de lit que j'aurais pu vendre 100 fois. Et c'est dans la spontanéité que la créativité s'est souvent manifestée chez moi. Voilà, c'est du spontané, du très rapide, mais efficace. Merci beaucoup, Sylvie Marie. Alors, on passe derrière Guillaume. Moi, ce que j'entends là depuis tout à l'heure, en fait, ça me fait penser un peu que la créativité, c'est un facteur de santé, en fait, d'un santé holistique. Que c'est effectivement, comme l'a dit Sylvie, une énergie de vie qui nous traverse et qui permet aussi que l'énergie qu'on a en nous, elle circule, et que quelque chose de plus grand puisse circuler à travers nous aussi. Et donc voilà, c'est vrai que ça encourage à prendre conscience de ça, peut-être à le valoriser un petit peu plus pour les gens qui ne sont pas forcément artistes au quotidien. Et peut-être de faire attention aussi aux freins qui peuvent se mettre en place. Se poser la question, qu'est-ce qui peut freiner notre créativité, que ce soit des normes, que ce soit la peur du regard des autres, la peur de l'échec. Donc voilà, c'est un peu ces réflexions qui m'amènent. Voilà. Catherine. Alors moi, je suis pas du tout dans le domaine artistique, on va dire, de ce qu'on a vécu ce soir, mais j'ai eu un restaurant bio. Et donc, je trouve que justement dans les matières qu'on peut avoir, dans le domaine de la cuisine, dans le domaine de tout ce que la nature nous offre, autant les plantes sauvages que les végétaux et les couleurs que ça nous envoie, et la matière, parce que moi je suis très sensible à la matière parce qu'il faut toucher, donc... On est très surpris de voir si on a les mêmes éléments en face de soi. Et par exemple, comme le disait Mickey en cours d'art, on peut reprendre ça dans le domaine de la cuisine, de savoir ce qu'on va faire chacun avec les mêmes choses. Et si on se laisse une part d'inconnu et d'aller chercher quelque chose en soi, qui est comme une révélation, parce que c'est ça, on lâche, on a une liberté par rapport à ça, c'est quelque chose de super. On vit quelque chose qui est hors du temps. Enfin, moi, je le vis comme ça. Et après, comme le disait Fred, ce qu'on va avoir comme résultat, pour moi, c'est une grande liberté à la fois, mais une partie de soi qui est révélée et qui va progresser au fur et à mesure. C'est-à-dire, on a envie de revivre ce moment-là et d'aller plus loin. Et je pense que, comme le disait Libette, il y a des personnes qui disent « j'ai pas de créativité », mais c'est parce que je pense qu'on ne s'autorise pas cette partie de soi qui est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui va arriver à nous dépasser même. Parce qu'on se dit « mais c'est pas possible, c'est comment j'ai pu arriver à ce résultat ?» sans se projeter, sans calculer, pouvoir connaître ce moment-là, parce que c'est un vrai moment. Et voilà, je voulais vous partager ça. Oui, je te remercie beaucoup, Catherine. Alors, je me sens très, très proche de ce que tu as dit. Alors, parce que pour l'avoir vécu dans différents domaines, et j'ai trouvé très, très chouette. Ça sortait vraiment du cœur, ce que tu nous as dit là. Merci beaucoup. Souad. Par rapport à tout ce que les personnes autour de moi ont partagé, j'arrive à me connecter un peu à tout ce qui a été dit. Ce que j'aimerais partager, c'est que en écoutant toutes ces personnes partager avec nous leur art, leur création, je me suis sentie en vie. En fait, je me suis sentie en joie. J'avais vraiment une joie de vivre. Je souriais simplement. Donc merci pour tous vos partages. Et je pense que c'est tout. Oui, moi, je peux rajouter quelque chose, Souad. Alors, moi, j'ai vécu des moments de créativité avec toi. Oui, c'est vrai. Je te laisse le dire. Mais vraiment, oui. de comme disait, avec la matière, faire quelque chose. C'était un moment de grande joie. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi parce que moi, à la base, je suis assez cartésienne de formation, on va dire. Et j'apprends à créer des choses et à utiliser mes mains pour créer. Et je fais avec toi du... Maintenant, le mot m'échappe, mais... Le tricot. Du tricot, voilà. Du tricot, voilà. Du tricot et de main gauche, mais j'y arrive petit à petit. J'ai trouvé ça trop joli. On rigole bien. Oh oui, parce que tu nous avais fait une création une fois. Ah oui, oui, parce que beau. Je lui dis, je sais pas, refais-moi deux rangs, maille envers, maille envers, je sais pas quoi, puis elle revient, puis il y avait des trous entre deux. C'est très créatif. C'était des choses, et on a ri, et c'était... Mais il y avait un côté créatif quand même là-dedans. Parce qu'il faut arrêter de croire que la création, c'est un truc où les gens doivent dire « Waouh !» comme devant un Picasso. Non, c'est quelque chose que quelqu'un a mis au monde, a fait naître. C'est donc, okay, voilà, il faut le prendre avec le bonheur comme ça. Et donc, je voulais quand même dire ça. Oui, merci pour le rappel. C'est vrai que j'avais oublié ça et je me réjouis de reprendre. Oui, ça oui, on aussi, va reprendre aussi artistiquement. C'est ça, non, t'inquiète exactement. Pas, Guillaume, bientôt, t'auras des mitaines. Mais bientôt, hein, oui. Bientôt. Tu l'avais bientôt. Dit l'hiver prochain. Oui, l'hiver prochain. Ça va être pour l'hiver prochain. Voilà. Christophe. Ben, c'est un grand plaisir d'être avec vous en tant que participatif. Mais je voudrais souligner quelque chose, peut-être qu'on ne souligne pas assez, ou qui vous émeut, ou qui va vous émouvoir. Mais moi, je ne crée que dans l'amour, dans la joie et la sérénité. C'est-à-dire que j'ai connu des créateurs comme des chanteurs de rap qui écrivaient dans la colère. Moi, je peux pas. Je peux pas écrire dans la colère. Donc, quand je peins, c'est par amour. Et c'est parce que je suis bien dans ma tête. D'ailleurs, quand je suis bien dans ma tête et très amoureux, alors je deviens très créatif. Alors, je sais pas d'où ça me vient. Mais voilà, c'est pas une faculté extraordinaire, quoi. C'est ça. Mais je pense une solution, si vous manquez de créativité, c'est de vous permettre le culot de faire quelque chose que vous révélez soudain, faire preuve de culot, voilà, qui peut permettre le changement pour ceux qui voudraient changer, voilà. Passe le micro, voilà, Béatrice, non, d'accord, et Jacques. Je me suis toujours posé la question, moi, de savoir... l'origine de la création, c'est le créateur, non? Donc il y a une relation plutôt spirituelle vis-à-vis de ce mot qui me gêne un peu. Enfin, moi, je suis athée, donc je ne peux pas trop parler de ce niveau de... Je comprends son problème avec création, c'est que on n'invente rien, on découvre des choses, tu vois, elles existent déjà quelque part. On est plus dans je vois ce que tu essayes de mettre en avant, quoi. Mais que le Je trouve ça, l'ingénieur, tout ça, je suis ingénieux, j'invente, c'est ça un peu qui te gêne, quoi. Alors que, enfin, on passe notre temps à découvrir, à révéler les choses, quoi, plus qu'à les créer, quoi. C'est... Oui. Tous les possibles qui s'offrent. On est tous nous sommes tous des dieux. Moi, j'ai une vanne, moi. Pendant que l'homme inventait les pointillés, Dieu avait déjà inventé la caméra. Il y a une réponse qui me vient comme ça, c'est qu'en fait, tout ce qui n'est pas créativité ou sentiment de non-créativité, c'est uniquement une atrophie, une limitation. On dit que on fonctionne qu'à 10% de notre cerveau, bon, peut-être. Et je me réfère aussi à ce qu'a dit le poète Herder, qui était un romantique allemand, qui disait que la poésie était la langue originelle de l'humanité. Et on peut penser, il a dit tout à l'heure, Olivier a parlé de l'âge d'or, on peut penser qu'il y a eu un stade de l'humanité, ou peut-être, alors je dis peut-être, où c'est mythique, où on baignait dans une totale créativité, une totale danse. Et c'est là aussi, je me faisais référence tout à l'heure à la langue de travers, qui est un groupe qui essaie de débloquer justement tous les freins qu'on a en soi et de faire retrouver une spontanéité qui est possible à tous. La devise d'ailleurs de ce groupe est « tous capables ». Alors je pense que ça, c'est à portée de déblocage, on a simplement des bouchons, des blocages, quelque chose qui nous bloque par rapport à ce réservoir immense qu'est la créativité, qu'est la création, qu'est toute forme d'idées, d'images, de poésie, qui est là, à portée de main, et qui est à portée universelle. Mais c'est une question aussi d'évolution intérieure de l'humanité et de chacun. Oui, alors, juste pour dire, moi, je trouve que la créativité, c'est le pendant total au consumérisme. C'est-à-dire que c'est vraiment penser par soi-même. Créatif, être créatif, c'est créer soi-même. Ce n'est pas consommer. C'est une autonomie de joie et d'autres. Sylvie. Oui, moi, je voulais juste reprendre un petit peu les choses, même en parlant de mon histoire, en fait. Je pense que, quand je te disais tout à l'heure, tu m'as remis à mes chansons, Fred, Aïssad, Vincent, tous les gens que j'ai rencontrés dans les Vosges, m'ont redonné, ont fait que je me suis autorisée à recréer, on va le dire comme ça. Mais pendant très longtemps, j'ai arrêté de créer parce qu'il y avait le pas assez bien, le pas assez juste, le pas assez beau. Et aujourd'hui, je me dis juste que je ne sais pas ce qui est beau, je ne sais pas ce qui est bien, je ne sais pas ce qui est créé vraiment, je ne sais pas s'il y a une définition de ça. Parce que je pense que pour moi, et ce qui est vraiment important pour moi aujourd'hui, c'est juste laisser chacun à son niveau, avec ce qu'il aime, se trouver, enfin, je ne sais pas, vivre. C'est pour ça que je reviens sur vivre, parce que finalement, s'autoriser à mettre trois fleurs sur une ben, je sais pas, voilà, tu mets cinq fleurs dans un pot et en fait ben ça suffit le matin, et quelque part j'ai créé un bouquet, j'ai été créative, c'est je sais ça. Pas mais j'ai juste fait travailler mon cœur. Tout à l'heure tu disais je fais qu'amour et plaisir. Finalement, si on s'autorise juste à se dire qu'on a le droit juste de faire ce qui nous touche, ce qui nous fait du bien, ce qui nous parle, on disait des moments, t'es juste là, quoi, voilà, tu te laisses être. Et je pense que pour moi, la créativité, c'est se laisser être, tout simplement, sans penser qu'on est bien, pas assez bien, que l'autre est mieux, que celui-là, il fait juste, que celui-là fait faux. Et je pense que ça nous étouffe et ça nous enferme, en fait. Et que vraiment, ce qui est important, c'est qu'on s'autorise tous à être qui on est, et surtout qu'on apprenne à laisser l'autre être comme il est, pour moi. Oui. Voilà. Bravo. Bravo. Merci, Sylvie. J'ai une citation de Jules Renard à ce propos. Oui. Ça vous dit ? Vas-y, vas-y. L'artiste, c'est un homme, une femme de talent qui croit toujours qu'il ou qu'elle débute. Ah oui, ouais. Magnifique. Mais c'est toujours une naissance. De Jules Renard. Ah oui, alors moi je pense que là, il faut vraiment... Attends. Oui. Non, je dis simplement... Attends. Je te donne celui-là parce que... L'idée de naissance qui a été évoquée, effectivement, génie veut dire juste né. Ce qui est juste né, voilà. Oui, et je pense la créativité... Elle a été défavorisée par beaucoup de normalisation. Alors, si on n'est pas dans la norme, on n'est pas bien, on n'est pas gentil, on n'est pas... Non, mais la créativité, moi, je trouve que c'est le souffle, c'est la vie. C'est... Sans ça, mais on meurt, quoi. Et même... enfin, pour moi, c'est essentiel. Juste une citation de Saint-Exupéry. « Nous avons connu aux heures de miracle... » une certaine qualité des relations humaines, là est pour nous la vérité. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, on va terminer par une créativité qui est une naissance aussi. Sur la terre qui s'éveille au soleil d'un jour nouveau, des enfants qui s'émerveillent à l'aube d'un jour si beau, ils ne crieront plus famine, ne joueront plus sur des mines, ils verront leurs parents rire, oublier même le pire. Ô grand du monde d'hier, entends notre prière. Souffle vent de la justice, que ce vide se calisse. Aujourd'hui les mains rouges ne seront plus blanches, car jusqu'au fond des bouges surgit une avalanche qui sauvera le sang des héros, des innocents, qui met à bas le tyran, redonna chacun son rang. Enfant de la misère, sans haine et sans colère, simplement étonné de tant de cruauté, qui portez vers les cieux vos paumes décharnées, qui implorez de Dieu le pardon d'être né. Entendez du printemps la chanson dans le vent, celle qui dit le temps d'un grand pas en avant. La fin de vos souffrances, la fin de l'indigence, le temps de l'abondance et celui de la danse, et celui de la danse. Olivier. Merci. Très belle chanson. Aïssat. Mieux vaut rire, on fait mieux vaut rire. Bah, tu peux rester là, grand poète. Hein. Tu peux venir là. Yeah, yeah, yeah.

Non, alors là, je ne dirais qu'une chose, c'est que les armes de Lorraine au Tilot, Tilot, T-I-L-O-T, au XVIe siècle, sont inscrites dans le Metallica Code, à l'intérieur du petit Metallica Code, qui fait autrement que le texte promis pour creuser la mine et trouver de l'or, je vous dis bien de l'or. Car bien évidemment, il y en a encore, encore, de l'or en stock, eh oui. Est-ce que vous avez bien pris votre canon, madame? Vous avez pris votre canon? Vous ne buvez pas de canon? Ah, si, ah oui. Ah non, sinon le canon, oui, vous avez raison, le canon. Combien pèse un canon au XVIe siècle? Il est si lourd que parfois, quand il passe un pont, eh ben, il reste coincé dans la rivière. Il fait 12 tonnes hein, quand même, 12 tonnes le canon. Hein. Alors le bronze, qu'est-ce qu'on met dans du bronze? De du cuivre et de l'étain. Ouais, là on a un pro là, et le laiton, alors on met du... Qui sera là le 21. Du cuivre et du laiton, du cuivre et du... Et du zinc, ouais, comme on nous disait. Alors qu'est-ce que ces zinc grenadiers ne savaient pas? Alors, nous avons appris la lunette à instruments. Voyons quelques instruments de cuivre. À vous de jouer. Attention, vous êtes prêts? On peut jouer à 10, 8, allez, 8. Un premier cuivre, à vous de jouer. Saxo. Saxo, d'accord. Ok, un deuxième. Trompette. Trompette, d'accord. Trombone. Ouais, trombone, ouais. Bassophone. Ouais. Clarinette. Ouais, clarinette, on y est, ouais. Tuba, cor, tuba, cor, baryton, clairon, cornet à piston. Voilà, donc musique dans la cuisine, n'oubliez pas le zinc, l'argent et le cuivre, hein, comme on a dit. Hein. Le zinc, l'argent et le cuivre. Et pour un bon souvenir, nous allons faire un quiz. Le quiz de la mine. La température souterraine, quand vous visitez une galerie, vous imaginez ça combien? 10. Ouais, on est à 9, quoi. On dira 8, 9, 10. On dira 9, 10. Y a-t-il des nuages en vue lors d'explosions? Non. Oh si, si tu savais. Quel est le mot de passe du retour? Alors ça, j'aime bien demander aux mineurs. Les mini-mineurs qui viennent nous voir en avant-stock. Est-ce que, justement, vous connaissez le mot de passe du retour? Et là, les gamins, ils te font... Il y a un mot de passe. Ben ouais, les grands. Alors, vous faites, les grands, vous avez tous votre mot de passe, là. Tout le monde a son mot de passe, les grands, ils sont d'accord. Et les enfants qui recommencent. Oh, la vache, on n'a pas le mot de passe. Comment on va ressortir? Alors moi, le mot de passe, il est simple, c'est le guide. Là, c'est le mot de passe pour ressortir de la mine. Hein. Et puis les galeries communautaires, donc ça, c'est de l'info, oui. Des Espagnols ont-ils percé de l'autre côté de la montagne vosgienne? Des Espagnols. Oui, c'était envahi par l'Espagne à l'époque. Et se sont-ils rencontrés à l'intérieur de la mine? De la même galerie? Non. De la si, n'est-ce pas maître à bord, hein, madame a été nourricière de la mine pendant des années. Elle a nourri des tas de mineurs, vous savez, hein, qui, ben, la première caisse sociale, alimentation, caisse allocation familiale, vient des mineurs à l'époque, non pas Cotillot. Hein. Et puis enfin, ce que je voulais vous dire, c'est respecter le cuivre. Respecte le cuivre et tu feras de l'argent, alors tu pourras acheter de l'or. Merci beaucoup. Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, je vous remercie beaucoup pour cette belle soirée, pour votre participation à tous. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne soirée avec à côté la soupe. Voilà. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs, de votre écoute et nous vous disons à bientôt, bonne soirée, avec le jingle de Auriel, notre artiste belge. Merci.